L'exiguïté de la fortune du sieur Marneffe, chez qui s'était déjà fondue la dot de mademoiselle Valérie Fortin, soit au paiement des dettes de l'employé, soit en acquisitions nécessaires à un garçon qui se monte une maison, mais surtout les exigences d'une jolie femme, habituée chez sa mère à des jouissances auxquelles elle ne voulut pas renoncer, avaient obligé le ménage à réaliser des économies sur le loyer. La position de la rue du Doyenné, peu éloignée du ministère de la guerre et du centre parisien, sourit à monsieur et à madame Marneffe, qui depuis environ 4 ans habitaient la maison de mademoiselle Fischer. Le sieur Jean-Paul Stanislas Marneffe appartenait à cette nature d'employé qui résiste à l'abrutissement par l'espèce de puissance que donne la dépravation. Ce petit homme maigre, à cheveux et à barbe grêle, à figure étiolée, palote, plus fatigué que ridé, les yeux à paupières légèrement rougis et harnachés de lunettes, de piètre allure et de plus piètre maintien, réalisait le type que chacun se dessine d'un homme traduit aux assises pour attentat aux mœurs. L'appartement, occupé par ce ménage, type de beaucoup de ménages parisiens, offrait les trompeuses apparences de ce faux luxe qui règne dans tant d'intérieurs. Dans le salon, les meubles recouverts en velours de coton passé, les statuettes de plâtre jouant au bronze florentin, le lustre mal ciselé, simplement mis en couleur, à bobèche en cristal fondu, le tapis dont le bon marché s'expliquait tardivement par la quantité de coton introduit par le fabricant, et devenu visible à l'œil nu, tout jusqu'aux rideaux qui vous eussent appris que le damas de laine n'a pas 3 ans de splendeur, tout chantait misère comme un pauvre en haillons à la porte d'une église.